Chapitre 13. Les projets d'Atéras. L'apparition de ce hardi personnage fut diversement appréciée par l'équipage. Les uns se rallièrent complètement à lui par amour de l'argent ou par audace, d'autres prirent leur parti de l'aventure, qui se réservèrent le droit de protester plus tard. D'ailleurs, résister à un pareil homme paraissait difficile actuellement. Chacun revint donc à son poste. Le 20 mai était un dimanche et fut jour de repos pour l'équipage. Un conseil d'officiers se tint chez le capitaine. Il se composa d'Atéras, de Chandon, de Wall, de Johnson et du docteur. « Messieurs, dit le capitaine de cette voix à la fois douce et impérieuse qui le caractérisait, vous connaissez mon projet d'aller jusqu'au pôle. Je désire connaître votre opinion sur cette entreprise. Qu'en pensez-vous, Chandon ?»« Je n'ai pas à penser, capitaine, répondit froidement Chandon, mais à obéir. » Atéras ne s'étonna pas de la réponse. « Richard Chandon, reprit-il non moins froidement, je vous prie de vous expliquer sur nos chances de succès. »« Eh bien, capitaine, répondit Chandon, les faits répondent pour moi. Les tentatives de ce genre ont échoué jusqu'ici. Je souhaite que nous soyons plus heureux. »« Nous le serons. Et vous, messieurs, qu'en pensez-vous » ?»« Pour mon compte, répliqua le docteur, je crois votre dessein praticable, capitaine. » Et comme il est évident que des navigateurs arriveront un jour ou l'autre à ce pôle boréal, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas nous. « Et il y a des raisons pour que ce soit nous, répondit Atéras, car nos mesures sont prises en conséquence, et nous profiterons de l'expérience de nos devanciers. À ce propos, Chandon, recevez mes remerciements pour les soins que vous avez apportés à l'équipement du navire. Il y a bien quelques mauvaises têtes dans l'équipage que je saurais mettre à la raison, mais en somme, je n'ai que des éloges à vous donner. » Chandon s'inclina froidement. Sa position à bord du Forward, qu'il croyait commander, était fausse. Atéras le comprit et n'insista pas davantage. « Quant à vous, messieurs, reprit-il en s'adressant à Wall et à Johnson, je ne pouvais m'assurer le concours d'officiers plus distingués par leur courage et leur expérience. »« Ma foi, capitaine, je suis votre homme, répondit Johnson. Et bien que votre entreprise me semble un peu hardie, vous pouvez compter sur moi jusqu'au bout. » « Et sur moi également, dit James Wall. Quant à vous, docteur, je sais ce que vous valez. Eh bien, vous en savez plus que moi, répondit vivement le docteur. Maintenant, messieurs, reprit Atéras, il est bon que vous appreniez sur quels faits incontestables s'appuie ma prétention d'arriver au pôle. En 1817, le Neptune d'Aberdeen s'éleva au nord du Spitzberg jusqu'au 82e degré. En 1826, le célèbre Parry, après son troisième voyage dans les mers polaires, partit également de la pointe du Spitzberg, monta avec des traîneaux barques, monta à 150 miles vers le nord. En 1852, le capitaine Ingolfield pénétra dans l'entrée de Smith jusque par 78 degrés 35 minutes de latitude. Tous ces navires étaient anglais et commandés par des Anglais, nos compatriotes. Ici, Atéras fit une pause. « Je dois ajouter, reprit-il d'un air contraint, et comme si les paroles ne pouvaient quitter ses lèvres, je dois ajouter qu'en 1854, l'Américain Ken, commandant le brick, l'Advance, s'éleva plus haut encore, et que son lieutenant Morton, s'étant avancé à travers les champs de glace, fit flotter le pavillon des États-Unis, au-delà du 82e degré. Ceci dit, je n'y reviendrai plus. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les capitaines du Neptune, de l'Entreprise, de l'Isabelle, de l'Advance, constatèrent qu'à partir de ces hautes latitudes, il existait un bassin polaire entièrement libre de glace. « Libre de glace ? » s'écria Chandon en interrompant le capitaine. « C'est impossible. » « Vous remarquerez, Chandon, reprit tranquillement Atéras, dont l'œil brilla un instant, que je vous cite des faits et des noms à l'appui. J'ajouterai que pendant la station du commandant Penny, en 1851, au bord du canal de Wellington, son lieutenant Stewart se trouva également en présence d'une mer libre, et que cette particularité fut confirmée pendant l'hivernage de Sir Edward Belcher en 1853 à la baie de Northumberland, par 76 degrés 52 minutes de latitude et 99 degrés 20 minutes de longitude. Les rapports sont indiscutables. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas les admettre. Cependant, capitaine, reprit Chandon, ces faits sont si contradictoires. Erreur, Chandon, erreur, s'écria le docteur Clawbonny. Ces faits ne contredisent aucune assertion de la science. Le capitaine me permettra de vous le dire. Allez, docteur, répondit Hatteras. Eh bien, écoutez ceci, Shandon. Il résulte très évidemment des faits géographiques et de l'étude des lignes isothermes que le point le plus froid du globe n'est pas au pôle même. Comme le point magnétique de la Terre, il s'écarte du pôle de plusieurs degrés. Ainsi, les calculs de Brewster, de Bergam et de quelques physiciens démontrent qu'il y a dans notre hémisphère deux pôles du froid. L'un serait situé en Asie par 79 degrés 30 minutes de latitude nord et par 120 degrés de longitude est. L'autre se trouverait en Amérique par 78 degrés de latitude nord et par 97 degrés de longitude ouest. Ce dernier est celui qui nous occupe. Et voyez, Shandon, qu'il se rencontre à plus de 12 degrés au-dessous du pôle. Eh bien, je vous le demande, pourquoi au pôle la mer ne serait-elle pas aussi dégagée des glaces qu'elle peut l'être en été par le 70e parallèle, c'est-à-dire au sud de la baie de Baffin ? Voilà qui est bien dit, répondit Johnson. Monsieur Clawbonny parle de ces choses comme un homme du métier. Cela paraît possible, reprit James Wall. Chimères et suppositions, hypothèses pures, répliqua Shandon avec entêtement. Eh bien, Shandon, reprit Hatteras, considérons les deux cas, où la mer est libre de glace ou elle ne l'est pas. Et dans ces deux suppositions, rien ne peut nous empêcher de gagner le pôle. Si elle est libre, le Forward nous y conduira sans peine. Si elle est glacée, nous tenterons l'aventure sur nos traîneaux. Vous m'accorderez que cela n'est pas impraticable. Une fois parvenus avec notre brick jusqu'au 83e degré, nous n'aurons pas plus de 600 miles à faire pour atteindre le pôle. Et que sont nos 600 miles, dit vivement le docteur, quand il est constant qu'un Cosaque, Alexis Markov, a parcouru sur la mer glaciale, le long de la côte septentrionale de l'Empire russe, avec des traîneaux tirés par des chiens, un espace de 800 miles en 24 jours. « Vous l'entendez, Shandon, » répondit Hatteras, « et dites-moi si des Anglais peuvent faire moins qu'un Cosaque. »« Non, certes !» s'écria le bouillant docteur. « Non, certes !» répéta le maître d'équipage. « Eh bien, Shandon, » demanda le capitaine. « Capitaine, » répondit froidement Shandon, « je ne puis que vous répéter mes premières paroles. J'obéirai. »« Bien !» Maintenant, reprit Hatteras, songeons à notre situation actuelle. Nous sommes pris par les glaces. Il me paraît impossible de nous élever cette année dans le détroit de Smith. Voici donc ce qu'il convient de faire. Hatteras déplia sur la table l'une de ses excellentes cartes publiées en 1859 par ordre de l'amirauté. Veuillez me suivre, je vous prie. Si le détroit de Smith nous est fermé, il n'en est pas de même du détroit de Lancaster, sur la côte ouest de la mer de Baffin. Selon moi, nous devons remonter ce détroit jusqu'à celui de Barrow et de là jusqu'à l'île de Béchet. La route a été 100 fois parcourue par des navires à voile. Nous ne serons donc pas embarrassés avec un brick à hélice. Une fois à l'île Béchet, nous suivrons le canal Wellington, aussi avant que possible, vers le nord, jusqu'au débouché de ce chenal qui fait communiquer le canal Wellington avec le canal de la Reine, à l'endroit même où fut aperçue la mer libre. Or, nous ne sommes qu'au 20 mai. Dans un mois, si les circonstances nous favorisent, nous aurons atteint ce point. Et de là, nous nous élancerons vers le pôle. Qu'en pensez-vous, messieurs ? C'est évidemment, répondit Johnson, la seule route à prendre. Eh bien, nous la prendrons, et dès demain. Que ce dimanche soit consacré au repos. Vous veillerez, Shandon, à ce que les lectures de la Bible soient régulièrement faites. Ces pratiques religieuses ont une influence salutaire sur l'esprit des hommes et un marin surtout doit mettre sa confiance en Dieu. C'est bien, capitaine, reprit Shandon, qui sortit avec le lieutenant et le maître d'équipage. Docteur, fit John Hatteras en montrant Shandon, voilà un homme froissé que l'orgueil a perdu. Je ne peux plus compter sur lui. Le lendemain, le capitaine fit mettre de grand matin la pirogue à la mer. Il alla reconnaître les icebergs du bassin dont la largeur n'excédait pas 200 yards. Il remarqua même que par suite d'une lente pression des glaces, ce bassin menaçait de se rétrécir. Il devenait donc urgent d'y pratiquer une brèche afin que le navire ne fût pas écrasé dans cet étau de montagne. Aux moyens employés par John Hatteras, on vit bien que c'était un homme énergique. Il fit d'abord tailler des degrés dans la muraille glacée et il parvint au sommet d'un iceberg. Il reconnut de là qu'il lui serait facile de se frayer un chemin vers le sud-ouest. D'après ses ordres, on creusa un fourneau de mine presque au centre de la montagne. Ce travail rapidement mené fut terminé dans la journée du lundi. Atterras ne pouvait compter que sur ses blasting cylinders de 8 à 10 livres de poudre, dont l'action eût été nulle sur des masses pareilles. Il n'était bon qu'à briser les champs de glace. Il fit donc déposer dans le fourneau 1000 livres de poudre dont la direction expansive fut soigneusement calculée. Cette mine, munie d'une longue mèche entourée de gutta-percha, vint aboutir au dehors. La galerie conduisant au fourneau fut remplie avec de la neige et des quartiers de glaçons auxquels le froid de la nuit suivante devait donner la dureté du granit. En effet, la température sous l'influence du vent d'est descendit à 12 degrés, moins 11 degrés centigrades. Le lendemain, à 7 heures, le Forward se tenait sous vapeur, prêt à profiter de la moindre issue. Johnson fut chargé d'aller mettre le feu à la mine. La mèche avait été calculée de manière à brûler une demi-heure avant de communiquer le feu aux poudres. Johnson eut donc le temps suffisant pour regagner le bord. En effet, 10 minutes après avoir exécuté les ordres d'Atterras, il revenait à son poste. L'équipage se tenait sur le pont, par un temps sec et assez clair. La neige avait cessé de tomber. Atterras, debout sur la dunette, avec Shandon et le docteur, comptait les minutes sur son chronomètre. À 8h35, une explosion sourde se fit entendre, et beaucoup moins éclatante qu'on ne l'eût supposé. Le profil des montagnes fut brusquement modifié, comme dans un tremblement de terre. Une fumée épaisse et blanche fusa vers le ciel à une hauteur considérable, et de longues crevasses zébrèrent les flancs de l'iceberg, dont la partie supérieure, projetée au loin, retombait en débris autour du Forward. Mais la passe n'était pas encore libre. D'énormes quartiers de glace, arc-boutés sur les montagnes adjacentes, demeuraient suspendus en l'air, et l'on pouvait craindre que l'enceinte ne se refermât par leur chute. Atterras jugea la situation d'un coup d'œil. « Volsten ! » s'écria-t-il. L'armurier accourut. « Capitaine ? » fit-il. « Chargez la pièce de l'avant à triple charge, » dit Atterras, « et bourrez aussi fortement que possible. » « Nous allons donc attaquer cette montagne à boulets de canon ?» demanda le docteur. « Non, » répondit Atterras, « c'est inutile. Pas de boulets, Volsten, mais une triple charge de poudre. Faites vite. » Quelques instants après, la pièce était chargée. « Que veut-il faire sans boulets ?» dit Shandon entre ses dents. « On le verra bien, » répondit le docteur. « Nous sommes parés, capitaine, » s'écria Volsten. « Bien, » répondit Atterras. « Brunton, » cria-t-il à l'ingénieur, « attention, quelques tours en avant. » Brunton ouvrit les tiroirs et l'hélice se mit en mouvement. Le Forward s'approcha de la montagne minée. « Visez bien à la passe, » cria le capitaine à l'armurier. Celui-ci obéit. Lorsque le brick ne fut plus qu'à une demi-encablure, Atterras cria « Feu !» Une détonation formidable suivit son commandement et les blocs, ébranlés par la commotion atmosphérique, furent précipités soudain dans la mer. Cette agitation des couches d'air avait suffi. « À toute vapeur, Brunton !» s'écria Atterras. « Droit dans la passe, Johnson !» Johnson tenait la barre. Le brick, poussé par son hélice, qui se vissait dans les flots écumants, s'élança au milieu du passage libre alors. Il était temps. Le Forward franchissait à peine cette ouverture que sa prison se refermait derrière lui. Le moment fut palpitant. Il n'y avait à bord qu'un cœur ferme et tranquille, celui du capitaine. Aussi l'équipage, émerveillé de la manœuvre, ne put retenir le cri de « Hourra pour John Atterras !» Chapitre 14. Expédition à la recherche de Franklin. Le mercredi 23 mai, le Forward avait repris son aventureuse navigation, louvoyant adroitement au milieu des pagues et des icebergs, grâce à la vapeur, cette force obéissante qui manqua à tant de navigateurs des mers polaires. Il semblait se jouer au milieu de ces écueils mouvants. On eût dit qu'il reconnaissait la main d'un maître expérimenté, et comme un cheval sous un écuyer habile, il obéissait à la pensée de son capitaine. La température remontait, le thermomètre marqua à 6 heures du matin 26 degrés, moins 3 degrés centigrades, à 6 heures du soir 29 degrés, moins 2 degrés centigrades, et à minuit 25 degrés, moins 4 degrés centigrades. Le vent soufflait légèrement du sud-est. Le jeudi, vers les 3 heures du matin, le Forward arriva en vue de la baie Possession, sous la côte d'Amérique, à l'entrée du détroit de Lancastre. Bientôt le cap Burney fut entrevu. Quelques Esquimaux se dirigèrent vers le navire, mais Atterras ne prit pas le loisir de les attendre. Les pics de Byam Martin, qui dominent le cap Liverpool, laissés sur la gauche, se perdirent dans la brume du soir. Celle-ci empêcha de relever le cap Hay, dont la pointe très basse d'ailleurs se confond avec les glaces de la côte, circonstance qui rend souvent fort difficile la détermination hydrographique des mers polaires. Les puffins, les canards, les mouettes blanches se montraient en très grand nombre. La latitude par observation donna 74 degrés une minute, et la longitude, d'après le chronomètre, 77 degrés 15 minutes. Les deux montagnes de Catherine et d'Elisabeth élevaient au-dessus des nuages leur chaperon de neige. Le vendredi, à 6 heures, le cap Warrender fut dépassé sur la côte droite du détroit et sur la gauche, l'Admiralty Inlet, baie encore peu explorée par des navigateurs qui avaient hâte de se porter dans l'ouest. La mer devint assez forte et souvent les lames balayèrent le pont du brick en y projetant des morceaux de glace. Les terres de la côte nord offraient aux regards de curieuses apparences avec leurs hautes tables presque nivelées qui réverbéraient les rayons du soleil. Hatteras eût voulu prolonger les terres septentrionales afin de gagner au plus tôt l'île Bechet et l'entrée du canal Wellington, mais une banquise continue l'obligeait, à son grand déplaisir, de suivre les passes du sud. Ce fut pour cette raison que le 26 mai, au milieu d'un brouillard sillonné de neige, le Forward se trouva par le travers du cap York. Une montagne d'une grande hauteur et presque à pic le fit reconnaître. Le temps s'étant un peu levé, le soleil parut un instant vers midi et permit de faire une assez bonne observation. 74 degrés 4 minutes de latitude et 84 degrés 23 minutes de longitude. Le Forward se trouvait donc à l'extrémité du détroit de Lancastre. Hatteras montrait sur ses cartes au docteur la route suivie et à suivre. Or, la position du brick était intéressante en ce moment. « J'aurais voulu, dit-il, me trouver plus au nord. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Voyez, voici notre situation exacte. » Le capitaine pointa sa carte à peu de distance du cap York. « Nous sommes au milieu de ce carrefour, ouvert à tous les vents, et formé par les débouchés du détroit de Lancastre, du détroit de Barrow, du canal de Wellington et du passage du Régent. C'est un point auquel ont nécessairement abouti tous les navigateurs de ces mers. « Eh bien, répondit le docteur, cela devait être embarrassant pour eux. C'est un véritable carrefour, comme vous dites, auquel viennent se croiser quatre grandes routes. Et je ne vois pas de poteaux indicateurs du vrai chemin. Comment donc les Parry, les Ross, les Franklin ont-ils fait ? » ?»« Ils n'ont pas fait, docteur. Ils se sont laissés faire. Ils n'avaient pas de choix, je vous l'assure. » Tantôt le détroit de Barrow se fermait pour l'un, qui l'année suivante s'ouvrait pour l'autre. Tantôt le navire se sentait inévitablement entraîné vers le passage du Régent. Il est arrivé de tout cela que, par la force des choses, on a fini par connaître ces mers si embrouillées. « Quel singulier pays !» fit le docteur en considérant la carte. « Comme tout y est déchiqueté, déchiré, mis en morceaux, sans aucun ordre, sans aucune logique. » Il semble que les terres voisines du pôle Nord ne soient ainsi morcelées que pour en rendre les approches plus difficiles, tandis que dans l'autre hémisphère, elles se terminent par des pointes tranquilles et effilées, comme le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance et la péninsule indienne. Est-ce la rapidité plus grande de l'équateur qui a ainsi modifié les choses, tandis que les terres extrêmes, encore fluides au premier jour du monde, n'ont pu se condenser, s'agglomérer les unes aux autres, faute d'une rotation assez rapide ? Cela doit être, car il y a une logique à tout ici-bas, et rien ne s'y fait sans des motifs que Dieu permet quelquefois aux savants de découvrir. Ainsi, docteur, usez de la permission. Je serai malheureusement discret, capitaine, mais quel vent effroyable règne dans ce détroit, ajouta le docteur en s'encapuchonnant de son mieux. Oui, la brise du nord y fait rage surtout, et nous écarte de notre route. Elle devrait cependant repousser les glaces au sud et laisser le chemin libre. Elle le devrait, docteur, mais le vent ne fait pas toujours ce qu'il doit. Voyez, cette banquise paraît impénétrable. Enfin, nous essayerons d'arriver à l'île Griffith, puis de contourner l'île Cornwallis pour gagner le canal de la Reine sans passer par le canal de Wellington. Et cependant, je veux absolument toucher à l'île Bechet afin d'y refaire ma provision de charbon. Comment cela ? Répondit le docteur, étonné. Sans doute, d'après l'ordre de l'amirauté, des grandes provisions ont été déposées sur cette île, afin de pourvoir aux expéditions futures. et quoique le capitaine McClintock ait pu prendre en août 1859, je vous assure qu'il en restera pour nous. Au fait, fit le docteur, ces parages ont été explorés pendant 15 ans, et jusqu'au jour où la preuve certaine de la perte de Franklin a été acquise, l'amirauté a toujours entretenu 5 ou 6 navires dans ces mers. Si je ne me trompe, même l'île Griffiths que je vois là sur la carte, presque au milieu du carrefour, est devenue le rendez-vous général des navigateurs. Cela est vrai, docteur, et la malheureuse expédition de Franklin a eu pour résultat de nous faire connaître ces lointaines contrées. C'est juste, capitaine, car les expéditions ont été nombreuses depuis 1845. Ce ne fut qu'en 1848 que l'on s'inquiéta de la disparition de l'Erebus et du Terror, les deux navires de Franklin. On voit alors le vieil ami de l'amiral, le docteur Richardson, âgé de 70 ans, courir au Canada et remonter la rivière Coppermine jusqu'à la mer polaire. De son côté, James Ross, commandant l'entreprise et l'investigator, appareil du Père Navic en 1848, et arrive au Cap York, où nous sommes en ce moment. Chaque jour, il jette à la mer un baril contenant des papiers, destinés à faire connaître sa position. Pendant la brume, il tire le canon. La nuit, il brûle des fusées et lance des feux de Bengale, ayant soin de se tenir toujours sous une petite voilure. Enfin, il hiverne au port Léopold, de 1848 à 1849. Là, il s'empare d'une grande quantité de renards blancs, fait river à leur cou des colliers de cuivre sur lesquels était gravée l'indication de la situation des navires et des dépôts de vivres, et il les fait disperser dans toutes les directions. Puis, au printemps, il commence à fouiller les côtes du North Somerset sur des traîneaux, au milieu de dangers et de privations qui rendirent presque tous ces hommes malades ou estropiés, élevant des cairns dans lesquels il enfermait des cylindres de cuivre avec les notes nécessaires pour rallier l'expédition perdue. Pendant son absence, le lieutenant McClure explorait sans résultat les côtes septentrionales du détroit de Barrow. Il est à remarquer, capitaine, que James Ross avait sous ses ordres 2 officiers destinés à devenir célèbres plus tard. McClure, qui franchit le passage du Nord-Ouest, McClintock, qui découvrit les restes de Franklin. Deux bons et braves capitaines aujourd'hui, 2 braves Anglais. Continuez, docteur. L'histoire de ces mers que vous possédez si bien, il y a toujours à gagner au récit de ces tentatives audacieuses. Eh bien, pour en finir avec James Ross, j'ajouterai qu'il essaya de gagner l'île Melville plus à l'ouest. Mais il faillit perdre ses navires, et pris par les glaces, il fut ramené malgré lui jusque dans la mer de Baffin. « Ramené !» fit Hatteras en fronçant le sourcil. « Ramené, malgré lui !» Il n'avait rien découvert, reprit le docteur. Ce fut à partir de cette année 1850 que les navires anglais ne cessèrent de sillonner ces mers et qu'une prime de 20 000 livres fut promise à toute personne qui découvrirait les équipages de l'Erebus et du Terror. Déjà en 1848, les capitaines Kellett et Moore, commandant l'Herald et le Plover, tentaient de pénétrer par le détroit de Bering. J'ajouterai que pendant les années 1850 et 1851, le capitaine Austin hiverna à l'île Cornwallis. Le capitaine Penny explora sur l'assistance et la résolue le canal Wellington. Le vieux John Ross, le héros du pôle magnétique, repartit sur son yacht, le Félix, à la recherche de son ami. Le brick, le Prince Albert, fit un premier voyage aux frais de Lady Franklin. Et enfin que 2 navires américains expédiés par Grinnell avec le capitaine Haven, entraînés hors du canal Wellington, furent rejetés dans le détroit de Lancastre. Ce fut pendant cette année que McClintock, alors lieutenant d'Austin, poussa jusqu'à l'île Melville et au cap d'Andas, points extrêmes atteints par Parry en 1819, et que l'on trouva à l'île Bechet des traces de l'hivernage de Franklin en 1845. « Oui, répondit Hatteras, 3 de ses matelots y avaient été inhumés, 3 hommes plus chanceux que les autres. » De 1851 à 1852, continua le docteur, en approuvant du geste la remarque d'Hatteras, nous voyons le prince Albert entreprendre un second voyage avec le lieutenant français Belot. Il hiverne à Batty Bay, dans le détroit du prince régent, explore le sud-ouest de Somerset et en reconnaît la côte jusqu'au cap de Walker. Pendant ce temps, l'entreprise et l'investigator, de retour en Angleterre, passaient sous le commandement de Collinson et McClure et rejoignaient Kellett et Moore au détroit de Bering, tandis que Collinson revenait hiverner à Hong Kong. McClure marchait en avant et après 3 hivernages, de 1850 à 1851, de 1851 à 1852, de 1852 à 1853, il découvrit le passage du Nord-Ouest sans rien apprendre sur le sort de Franklin. De 1852 à 1853, une nouvelle expédition composée de 3 bâtiments à voile, l'Assistance, le Resolute et le North Star, et de 2 bateaux à vapeur, le Pionnier et l'Intrépide, mit à la voile sous le commandement de Sir Edward Belcher, avec le capitaine Kellett pour second. Sir Edward visita le canal Wellington, hiverna à la baie de Northumberland et parcourut la côte, tandis que Kellett, poussant jusqu'à Bridport, dans l'île de Melville, explorait sans succès cette partie des terres boréales. Mais alors le bruit se répandit en Angleterre que 2 navires abandonnés au milieu des glaces avaient été aperçus non loin des côtes de la Nouvelle-Écosse. Aussitôt Lady Franklin arme le petit steamer à hélice l'Isabelle et le capitaine Inglefield, après avoir remonté la baie de Baffin jusqu'à la pointe Victoria par le 80e parallèle, revient à l'île Bechet sans plus de succès. Au commencement de 1855, l'Américain Grinnell fait les frais d'une nouvelle expédition et le docteur Kane, cherchant à pénétrer jusqu'au pôle, « Mais il ne l'a pas fait !» s'écria violemment à Terrasse. « Et Dieu en soit loué, ce qu'il n'a pas fait, nous le ferons !»« Je le sais, capitaine, » répondit le docteur, « et si j'en parle, c'est que cette expédition se rattache forcément aux recherches de Franklin. D'ailleurs, elle n'eut aucun résultat. J'allais au maître de vous dire que l'amirauté, considérant l'île Bechet comme le rendez-vous général des expéditions, chargea, en 1853, le steamer le Phoenix, capitaine Inglefield, d'y transporter des provisions. Ce marin s'y rendit avec le lieutenant Belot et perdit ce brave officier qui, pour la seconde fois, mettait son dévouement au service de l'Angleterre. Nous pouvons avoir des détails d'autant plus précis sur cette catastrophe que Johnson, notre maître d'équipage, fut témoin de ce malheur. « Le lieutenant Belot était un brave français, » dit à Terrasse, « et sa mémoire est honorée en Angleterre. » Alors, reprit le docteur, les navires de l'escadre Belcher commencent à revenir peu à peu. Pas tous, car Sir Edward dut abandonner l'Assistance en 1854, ainsi que McClure avait fait de l'Investigator en 1853. Sur ces entrefaites, le docteur Ray, par une lettre datée du 29 juillet 1854 et adressée de Repulse Bay, où il était parvenu par l'Amérique, fit connaître que les Esquimaux de la terre du roi Guillaume possédaient différents objets provenant de l'Erebus et du Terror. Pas de doute possible alors sur la destinée de l'expédition. Le Phoenix, le North Star et le navire de Collinson revinrent en Angleterre. Il n'y eut plus de bâtiments anglais dans les mers arctiques. Mais si le gouvernement semblait avoir perdu tout espoir, Lady Franklin espérait encore. Et, des débris de sa fortune, elle équipa le Fox commandé par McClintock. Il partit en 1857, hiverna dans les parages où vous nous êtes apparus, capitaine, parvint à l'île Bechet le 11 août 1858, hiverna une seconde fois au détroit de Belot, reprit ses recherches en février 1859, le 6 mai, découvrit le document qui ne laissa plus de doute sur la destinée de l'Erebus et du Terror, et revint en Angleterre à la fin de la même année. Voilà tout ce qui s'est passé pendant 15 ans dans ces contrées funestes, et, depuis le retour du Fox, pas un navire n'est revenu tenter la fortune au milieu de ces dangereuses mers. « Eh bien, nous la tenterons, » répondit Terrasse.